kwa macho nimeona makuu yako, masikio nimesikia matendo yako, ndio maana nimetambua ya kwamba niliumbwa nikuabudu Mungu wa milele. Haleluya. Mujer, duque, oh, tu bonita, mi zenú. repente, vous devez pécher et changer. Oui, Hani, viens, viens, nous, mon hindouké. Oh, tout bon, les amis, et nous, on va délire. Tonight.

samehe hawajui watendalo. Baba yangu wasamehe hawajui watendalo. Wanao tusaidia